frangin, j'ai fait le bain, je fiche plus quand je me le plains. Ça sort le mousse, faut pas de clé. C'est déterminé comme un clin. Ils essaient tous de m'appeler. Je me sens presque harcelé. Est-ce que je dois la rappeler? Ça me dit nique sa mère zappelée. Représente Marseille, j'casse harcelé. Je rentre le soir un peu tard solo. Je me fais intercepter, ça va la photo. Je cache le pétard près de la boîte auto. Je nique tout, je me médaille. Faut péter le pot sur le boulevard bail. J'ai jamais tiré de rail. Dans la zone, ça déraille comme dans rail. Ouais, mon caprice, c'est une banane. Mon 50 dans la banane. J'ai des contacts jusqu'à Paname. Je préfère l'audi, les autres, ça rame. La vue, une carte postale avec la piscine. Plein de potions dans la cuisine. Je fais des gros sons, elle bouge la zine. La zine, la zine, la zine, la zine. Je fais des flots, rien que j'assassine. Quand j'ai les nerfs dans le son, ça sent. J'écoute la rue dans le poste à fond. Fais gaffe, si fais la bise, ça baisse ta femme. Moi, ils sont bofs. J'ai pas changé, j'suis le même qu'en pauvre. Pas de bulletin en poche, mais j'peux rouler en audio ou en Porsche. Ça t'oublie sans pitch, ça te prend un sandwich. Mais j'm'en fiche, j'peux arriver en hitch. J'fais des ventes sans triche, m'en affiche sur le bus. T'aurais platine sur le buste. Faut que tu dégustes avec tes gus ou avec tes gosses. Quand tu te sens seul et que t'es triste pour s'évader. Ta copine m'écoute dans le golf, j'lui donne de la force qu'elle va à la CAF. Situation sur ma cabre, 6h du mat, ça câble. Et vite qu'elle t'emporte, tu cours à ta perte. Y'avait tout dans l'appart, la blanche, la verte. Et il s'avère que y'en a qui savaient. Ça bougave sévère, c'est préfère l'argent à ses frères. Tout le monde a souffert, mais s'il y a une guerre, tout le monde a son fer, c'est mon dans la verre. Il reste aussi qu'il faut que j'en fasse un. Après, je vais toucher de façon. Au lieu de t'en prendre un petit, va t'en prendre un gros poisson. Je te demande pourquoi ça. Envie de tout casser, je pas à l'abri de mourir d'une trahison. À la scar et mon face, je fais un assaut dans les bacs, j'ai le cœur glacé. Crois pas que je t'ai oublié, tu dans les affaires à classer, tu dans les actions de crasse. Je t'ai vu tuper pour être côté passager du classé. Frérot, on se parlera plus, je pourrai plus jamais te dédicacer. J'ai pas fait le mec, je dis bonjour quand je vis ta daronne passée. Et maintenant, à cause de ça, ben, je repense au passé. Tout le monde a pété les plans, crois-moi, je sais pas ce qui s'est passé. On était comme des frères, mais j'ai vu que ça m'a vite remplacé. J'en profite pour remplacer une pour son cellule. Comme plein d'affaires sous ses léos. Parleurs sous les couilles, y'a du bon shit sous ses lots. C'est plein de tel et moi chaleur. J'espère ma peine, elle sera pas lourde. J'espère que la boca sera à l'heure. Parce que je vais lui donner tout mon salaire. J'ai un chupano, j'sors 4 albums par année. Cet hiver, j'me ballonne. Tu pourrais me poser dans un ballon. Bon, fais de la musique en parallèle. Après le poteau, il se repart à l'île. Frigo vite, par à la lime. L'autre pour une fille, pas anime. Au compteur de 180, en fumée, tu vois pas devant. Au cliché, j'suis tout, mais j'me suis pris plus de 80. J'suis pas de 20, en plus j'suis devant. Mon change pas de camp, j'rappe c'est choquant. Puis j'te découvre, puis t'es choquant. Et en showcase, j'fais bouger tout le monde. J'rentre une série, en buvette tu m'as parlé. Agent, tu m'as dit, ne fais pas attention. Mais moi j'ai vu que t'étais sérieux. On fera comme si ce qui s'est passé c'est rien. J'rentre dans le biz, j'pressionne ton patron. J'sais qu'il m'aime pas trop, qu'il m'écoute à fond. Mettre à plat ventre, j'trouve une arme dans ta voiture. Donc la matière, j'suis pas un amateur. À Marseille, les mères, ils pleurent les morts. Faut poser l'arme à terre, les sentiers calmatés. J'fais pas de karaté, mais quand même gare à toi. Gauche comme garreté. Quand ils arrivent pas, les gens, ils ont pas de couilles, ouais, ils sont bons qu'à arrêter. J'peux chanter devant 60 000, j'suis toujours en train de faire un karaoké. J'suis pas le genre, j'vais tirer dessus, mais si tu veux la bagarre, ok. Tu les viens d'en bas, rafale flow qui crique pas. Tu me cherches la merde quand tu vois que j'ai réussi, pour quand tout va bien. J'tiens le pétard comme béné. Lâche un jet qui sur le puisque dans les soucis, j'ai trop baigné. Tu m'aimes pas, ben ramène. J'te pardonne, mais quand même. Quand j'te vois, tu mérites que j'te fasse un combo à la Youssef Ouganem. Et dans la clique, t'es qu'un compte des cloques. Pour ce qui traîne dans le bloc, je compare tu faire le B à 6 au clock. À coup de claque, la drogue sous le ginoc. Tu me vois, tu tures les morts, tu craques. Toutes les portes, tu cries. Pour ce qui gratte toute la journée, qu'on les pue pleines de cloques. J't'ai vu faire une action, ça m'a fait un déclic. Clic, boum. Clic, boum. Ils font le signe du lift trick à tic à tic. Là, j'suis sous statique, j'suis plus sympathique, j'en plus la fatigue. À Marseille, les flingues, ils sont pas en plastique. Dans ma tête, j'suis dans les îles, dans mon cœur, gros, c'est l'Antarctique. Faut le savoir et la pratique, faut l'art et la manière. Et j'crois qu'à la maison, ils font un automatique. Zéro fin de glue magique.